en pense, les pipeurs c'est bon. Même sans la laitance, c'est pour les avant. Quand j'en mange à Dunkerque, le jour du carnaval, quand j'en mange à Dunkerque, le jour du carnaval, je fais des proutes qui puent jusqu'après Rosendal. Oui, quoi qu'on en pense, le clipper c'est bon. Même sans la laitance, c'est pour le zaran. Pour les fêtes et pour les bancs du carnaval. Scrouche, scrouche, scrouche.